Tu nous as fait rêver. Toi, tu le savais. Que les mots, on aimait. Art et décès. Tu n'as cessé pendant ces 30 années de te battre contre la maladie qu'est la vie. Tu le savais. Art et décès. Tu nous as fait chanter. Toi, tu as incarné. Et l'écho est né. Tu nous as quittés, toi. Qui a brûlé à la vie, à la mort. Art et décès.